إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous allons conclure aujourd'hui la série de cours sur l'innovation du livre de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله sur البدعة, sur l'innovation, sa définition, ses catégories, son jugement. Donc ceci est donc le cours 5, le dernier cours, inshallah. Et nous en étions au chapitre 4, au dernier chapitre en fait, puisqu'ensuite ce sera la conclusion, inshallah. Et sur le point numéro 3 concernant, on avait terminé hier avec, on s'est arrêté en fait au premier exemple, donc qu'avait donné le Cheikh Saleh Al-Fawzan concernant les actes d'adoration qui sont de nos jours accomplis sans aucune preuve. Accomplis mais ne reposant sur aucune preuve. Donc c'est dans ce troisième point qui est les innovations dans le cadre des adorations et de rechercher en celle-ci le rapprochement d'Allah. Donc le Cheikh avait écrit que les innovations qui ont été inventées dans le cadre des actes d'adoration dans ce temps sont nombreuses, car la base dans les actes d'adoration sont qu'ils sont restreints, ceci est la règle. Rien ne peut être légiféré excepté s'il y a une preuve, et tout ce qui ne peut être prouvé par une preuve, alors c'est une innovation. De par sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque fait une œuvre ne provenant pas de notre commandement se verra rejeté. Et il avait mentionné donc les actes d'adoration qui sont de nos jours accomplis et ne reposant sur aucune preuve sont très nombreuses. Parmi celles-ci, il a mentionné l'intention à voix haute pour la prière. En disant, j'ai l'intention de prier pour Allah, ceci et cela. Il dit, et ceci est une innovation, car cela ne fait pas partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et car Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens, est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est omniscient. Dans Surat Al-Hujurat, dans la traduction du sens du verset 16. Et la place de l'intention se situe dans le cœur. C'est un acte du cœur et non un acte de la langue. C'est là où on s'était arrêté hier. Donc on continue, Inch'Allah. وَمِنْهَا الذِّكْرُ الْجَمَاعِ بَعْدِ الصَّلَةِ لِأَنَّ الْمَشْرُوعَ أَنَّ كُلْ شَخْصْ يَقُولَ الذِّكْرِ الْوَارِدِ مُنْفَرِدًا. Donc parmi ces innovations contemporaines, il y a le fait qu'ils font le dhikr, il y a le rappel en groupe après la prière. Le fait qu'ils font le dhikr en groupe. Car ce qui est légiféré est que chaque individu prononce les paroles de dhikr, de rappel, systématique, mais de façon seule, c'est-à-dire il fait tout seul. Il n'essaie pas de rechercher de le faire à l'unisson. Il le fait tout seul, il fait les dhikr. Et les rappels, les paroles de dhikr, les paroles de rappel systématiques qui sont après chaque prière obligatoire aux musulmans et à la musulmane, de faire ça seul et non pas en groupe, d'accord? Parce que comme dit le shir, comme a écrit le shir, car ce qui est légiféré est que chaque individu prononce les paroles de rappel systématiques seul. Donc ceux qui veulent faire le dhikr en groupe, en disant je vois pas où est le mal, etc. Et Yanni, c'est pas une question d'essayer de rechercher des excuses, et Yanni qui ne valent rien. Mais s'ils veulent s'avancer sur un acte d'adoration, ils se doivent d'être en conformité avec une preuve. Est-ce que ceci fait partie de la tradition prophétique? Est-ce que cela fait partie de la sunna? S'il dit oui, alors qu'il ramène sa preuve. C'est tout. Mais il ne peut pas dire à quelqu'un, parfois il y a des discours qui sont comme ça. il y a quelqu'un qui essaie de lui demander pourquoi fais-tu cela, et il répond en disant où est le mal. Il ne dit pas je fais cela car voilà, il a été rapporté, etc. dans le hadith. Non, il ne parle même pas comme ça. Ils disent et alors il est où le problème? Yani subhanallah, mais c'est un énorme problème de vouloir se rapprocher d'Allah par un acte d'adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahabes n'ont jamais fait. Donc comme disait Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, soit vous êtes sur une voie meilleure que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit vous ouvrez une porte à l'égarement. Et ces individus-là, ils disent eh bien, alors prouve-moi que c'est une bid'a. C'est à lui de ramener sa preuve que ce qu'il fait fait partie de la sunna. S'il ne peut pas ramener de preuve, alors c'est une innovation. D'accord ? On se rappelle ce que disait le cheikh dans le point précédent. Rien ne peut être légiféré excepté s'il y a une preuve. Et tout ce qui ne peut être prouvé par une preuve, alors c'est une innovation. Tout ce qui ne peut être prouvé par une preuve, alors c'est une innovation. D'accord ? Et c'est pas le fait qu'ils vont ramener un verset. J'avais vu un égaré de soufi qui essayait de justifier la célébration du Maulid en disant « Ouais, j'ai 20 preuves dans le Coran. » Yani, vous voyez le jahl où est-ce que ça mène, subhanallah. Yani, c'est pas on prend un verset comme ça et puis on le tourne comme on veut et puis on dit « Voilà, c'est une preuve. » Non. Il faut qu'on retourne à la compréhension des sahaba. On ne doit pas prendre un verset comme ça. Alors sinon, n'importe qui fait ce qu'il veut. Yani, les soufis, ils disent « Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » dans le dernier verset de sourate al-Hijr. « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. » Et les soufis, comme on peut trouver certains, notamment au Soudan, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'il est imam d'une mosquée et il ne fait plus ses prières. Subhanallah. Il dit aux gens de se lever et de prier. Parce que selon sa petite cervelle égarée, il s'est mis à, il s'est mis à dire que et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Hein? Il a compris la certitude par un niveau, il a atteint ce niveau-là et donc il n'a plus besoin d'adorer son Seigneur. Et que ceux qui sont encore dans l'adoration, qui sont encore en train de faire les prières, ce sont les petits là, ils sont encore au bas niveau. Ça c'est, vous voyez l'égarement où est-ce que ça mène, la bid'a. Subhanallah. Il n'y a aucun bien dans la bid'a. C'est un égarement, c'est un mal énorme la bid'a. Faut pas prendre ça à la légère. Vous voyez? Faut pas prendre ça à la légère. Regardez les individus, où est-ce qu'ils mènent? Ils arrêtent d'adorer Allah. A'oudhu billah. Et ils considèrent qu'ils sont bien, subhanallah. C'est ça le gros problème. Et c'est ça le gros problème. Donc, on revient à la compréhension de qui? De nos pieux prédécesseurs. C'est comme ça qu'on comprend le Coran et la Sunna. Et non pas on prend un verset comme ça et on le met n'importe où. Non. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit al-yaqin huwa al-maut. La certitude, c'est la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. D'accord? Adore Allah toute ta vie jusqu'à la mort. Vous voyez, subhanallah. Wallah al-musta'an. On dit, on doit tout le temps demander à Allah Azza wa Jal, as-salam wa al-afiyah. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de tout mot et de tout égarement. Et parmi l'une des causes qui fait qu'un individu qui était dans l'islam, qui était sur la voie droite et qui retourne sa veste, nasallallahu alayhi wa sallam al-afiyah, les mashayikh ont mentionné que l'une des causes c'est qu'il n'a jamais remercié Allah de l'avoir guidé, ou il n'a jamais remercié Allah pour la ni'ma de l'islam, pour la ni'ma de l'iman. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut à chaque fois remercier Allah. Car si tu es guidé, si Allah Azza wa Jal t'a guidé sur la voie droite, parce que c'est pas toi qui te guide tout seul, la guidée ne provient que d'Allah Azza wa Jal. Car Allah sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. Si tu veux le haq, tu recherches le haq, Allah Azza wa Jal te mettra sur la voie du haq par une des causes que quelqu'un te montre ou te clarifie la voie droite. Et subhanallah, tu peux être dans un égarement et subhanallah, et mais toi tu es quelqu'un qui veut le haqq, qui n'est pas arrogant. Et bien Allah Azzawajal sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. L'individu qui aime le haqq, qui veut le haqq, qui n'est pas arrogant face à la vérité, Allah le guidera vers le haqq. Allah il est juste. Mais lorsqu'il sait que l'individu est quelqu'un d'arrogant, qui ne veut pas le haqq, qui veut juste débattre pour le plaisir de débattre, on demande à Allah Azzawajal de nous préserver de ce genre d'individu. Donc il faut tout le temps remercier Allah Azzawajal de la ni'ma de l'islam. Vous voyez, car nous on peut voir que effectivement, alhamdoulilah, Allah il nous facilite, on demande à Allah Azzawajal qu'il nous maintienne sur la voie droite. Mais effectivement, lorsque on peut méditer sur le fait qu'on comprend ce que c'est une bid'a, et on comprend ce que c'est la sunnah, et on comprend ce que c'est le shirk, et on comprend ce que c'est le tawhid, ça c'est une ni'ma qui n'est pas donnée à tout le monde. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup venir avec des petites excuses qui ne valent rien en disant je ne vois pas où est le problème, où est le mal, etc. Vous voyez l'ignorance à ce que ça mène. Sallallahu alayhi wa sallam wa l'afia. Donc, parce que ces individus-là n'ont pas eu la clairvoyance. Wa man yuridullahu bihi khayran yufaqqihu fid din. Celui dont Allah lui veut du bien, il lui donne la clairvoyance dans la religion. Donc c'est pour cela qu'il faut tout le temps remercier Allah Azza wa Jal, tout le temps se reconnaître ses manquements et ses manquements vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, reconnaître les péchés que l'on commet, demander à Allah Azza wa Jal de nous pardonner, revenir repentant vers Allah Azza wa Jal, invoquer Allah qui nous maintienne sur la voie droite, invoquer Allah qui nous augmente en science, invoquer Allah qui nous aide à parfaire l'adoration qu'on lui voue, seul. Wallahu al-musta'an. Donc, le Cheikh Hafidhullah Ta'ala a mentionné déjà, donc parmi les actes d'adoration qui sont de nos jours accomplis et ne reposant sur aucune preuve sont très nombreuses. Parmi celles-ci, faire l'intention à voix haute pour la prière. D'accord ? On a vu que l'intention est un acte du cœur et non un acte de la langue. D'accord ? Et il n'y a aucune preuve sur cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait à voix haute. Deuxième point, ceux qui font le dhikr en groupe après la prière. D'accord ? Ce n'est basé sur aucune preuve. Et ce qui est légiféré, que chaque individu prononce les paroles de rappel systématique seul. ومنها طلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد الدعاء والأموات وللأموات وبعد الدعاء وللأموات. Parmi ces actes d'adoration qui ne reposent sur aucune preuve, il y a la demande de récitation de la Fatiha, la sourate d'ouverture, dans les cérémonies, après les invocations et pour les morts. D'accord ? Ça, ce n'est basé sur aucune preuve. D'accord ? D'ailleurs, comme il y en a qui veulent faire des actes de mariage et qui se mettent à réciter la fatiha, ça c'est une bid'a. Ça ne fait pas partie de la sunna, ça. C'est une innovation. C'est une innovation. Ce qui est rapporté authentiquement, c'est de réciter l'introduction que l'on récite lors des khutab jumu'ah. Lorsque on vient pour faire l'acte de mariage, mais c'est pas, il n'y a pas de récitation de fatiha, d'accord, et c'est pas on fait des invocations et ensuite on récite la fatiha, ou bien comme ils font lorsqu'ils viennent pour après avoir prié la salat de genèse ils se mettent à réciter la fatiha, subhanallah, ou bien lorsqu'ils l'enterrent ils se mettent à réciter la fatiha, subhanallah. Et ça c'est basé sur aucune preuve, et les gens essaient de se rapprocher d'Allah par cela. C'est pour ça que le shirk mentionne que ce sont des actes d'adoration, mais qu'ils ne sont basés sur aucune preuve, donc ce sont des innovations. ومنها إقامة الماتم على الأموات وصناعة الأطعمة واستئجار المقرئين يزعمون أن ذلك من باب العزاء أو أن ذلك ينفع الميت وكل ذلك بدعة لا أصل لها لا أصل لها وآثار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان. Donc, et parmi elles, il y a l'établissement des funérailles pour les morts, et la préparation des repas, et la location de lecteurs qui vont lire le Coran, prétendant par cela que cela fait partie du deuil ou que cela soit bénéfique pour le mort. Et tout cela est une innovation pour laquelle il n'y a aucune origine et dont Allah n'a fait descendre aucune preuve, subhanallah. Yani, les gens, ils ramènent quelqu'un ou ils ramènent des soufis là, pour réciter le Coran. Ils l'amènent au niveau du mort. J'ai même vu, c'était une femme qui était décédée et les hommes ils sont venus autour d'elle là. Ils étaient assis et ils lui récitaient le Coran. Mais subhanallah, quoi ça lui sera bénéfique? Allah Azza wa Jal, le Coran, sa parole, il l'a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour avertir ceux qui sont vivants. Vivants! Afin qu'ils méditent dessus et qu'ils reviennent vers Allah et qu'ils unifient Allah dans l'adoration. Mais le mort, il est mort, il t'entend pas. Il t'entend pas. Subhanallah, est-ce qu'ils arrivent à comprendre ça? Le mort, il est mort. Qu'est-ce que ça va lui faire? En quoi ça va lui être bénéfique? Ça lui est bénéfique en rien. Celui qui bénéficie du Coran, c'est celui qui est vivant. Donc c'est une innovation de vouloir réciter le Coran sur les morts. On a qu'il ramène une preuve. Est-ce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enterré les sahaba qui sont morts lors de la bataille de Uhud, est-ce qu'il a demandé à ce que le Coran soit lu sur eux, Non. Bon, alors il ramène ça d'où? Donc chacun il veut ramener à sa source, subhanallah. C'est pas comme ça, on n'est pas des kuffars, nous, on n'est pas des chrétiens, où est-ce que chacun il veut adorer Allah comme il veut. Non, c'est pas comme ça. Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour être suivi et obéi. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sallu kama raytumuni salli », priez comme vous m'avez vu prier, alors on prie comme la prière a été décrite, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et c'est pas comme certains disent « Oh non, c'est pas grave, même si tu sais pas, tu peux dire Qufa Upsal et je sais pas quoi, là, ce qu'il raconte là. Tu peux réciter le panier et puis des légumes et tout ce que tu veux, mais voilà l'essentiel, ton intention. Voilà ce qu'ils vont avec l'intention. Ne soyez pas trompés avec ce genre de paroles. L'essentiel, c'est que l'intention qui compte, ils te disent. Subhanallah. Mais toi, tu as l'intention, Eri, de te rendre à Marseille et que tu prends l'autoroute de Lille. N'arriveras jamais à Marseille, même si ton intention elle était bonne d'aller à Marseille, subhanallah. Donc l'intention, elle doit être en conformité avec l'acte que tu fais, subhanallah. Donc, ensuite, le Cheikh Salah Hafouzen dit « Wa minha al-ihtifal bil-munasabat al-diniya, ka munasabat al-isra wal-mi'araj, wa munasabat al-hijra al-nabawiyya, wa hadha al-ihtifal » بتلك المناسبات لا أصل له من الشرع. Et parmi elles, il y a les célébrations des événements religieux tels que l'Isra ou le Mi'raj. Ils veulent célébrer cela. Ils veulent célébrer la date de l'Isra ou le Mi'raj. Ils disent oui, la date de l'Isra ou le Mi'raj. Tout ça, c'est les imitations des kofars. Parce qu'ils voient les kofars, ils ont 3 milliards de fêtes, etc. Donc eux, ils essaient de faire comme eux. Subhanallah. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a dit Azzanallahu bil Islam. Allah nous a honorés avec l'islam. Toi, en tant que musulman, en tant que musulmane, tu es honoré par l'islam. Peu importe ce que les kuffars, les munafiqines et les mushrikines et les ennemis d'Allah disent. Allah protège ses rapprochés. Allah Azza wa Jal ne délaisse pas ses serviteurs. Il faut avoir une ferme confiance en Allah Azza wa Jal, une fierté d'être musulman, car c'est un honneur. Allah Azza wa Jal nous a honorés. Toi, tu adores Allah Azza wa Jal, le créateur de l'univers, l'unique créateur de toutes choses. Tu te soumets à lui. Tu l'unifies dans l'adoration. Tandis que les kuffars et les mushrikines et les ennemis d'Allah, ils se soumettent à des rats, à des serpents. Comme ils ont des documentaires en disant « Ouais, je vois le rat blanc, celui-là, il me regarde. » Et puis ils commencent à l'invoquer en dehors d'Allah. Ou à des statues, ou à des poubelles. Voyez dans quel état ils sont, ces mushrikines et ces ennemis d'Allah. Qu'Allah nous en préserve. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être musulman. Hein. Moi, je vous le dis, subhanallah. Et c'est une ni'ma qu'Allah donne à qui il veut. Donc, il ne faut pas mécroire en cette ni'ma-là. Mais remercie Allah Azza wa Jal pour cela. Donc on ne doit pas les imiter, ces kuffars et ces mushrikines. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on avait deux fêtes, Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Ça y est. On n'a pas besoin d'essayer de dire oui, mais c'est pas grave, ils font et puis on essaie d'avoir comme. Mais pourquoi tu veux comme eux, subhanallah? T'es honoré par l'islam. Tiens-toi, crampons-toi à l'islam. La vérité et la réalité, c'est l'islam. Les autres, ce sont des passions, des suivis de passions. C'est pas de la vérité. C'est du faux. Donc il dit le shaykh, hafidhahullah, et parmi elles, il y a les célébrations des événements religieux tels que l'Isra wal Mi'raj, l'événement de la migration prophétique, et ces célébrations de ces événements n'ont aucune origine dans la législation. Ce sont des innovations, tout cela. ومن ذلك ما يفعل في شهر رجب كالعمرة الرجبية ما يفعل فيه من العبادات الخاصة به كالتطوع بالصلاة والصيام فيه فإنه لا ميزة له على غيره من الشهور لا في العمرة والصيام والصلاة والذبح للنسك فيه ولا غير ذلك. Et parmi ceci, parmi ces innovations-là, ce qui est fait durant le mois de Rajab, tel que la Umrah Rajbiya, ça veut dire la Umrah, le petit pèlerinage, entre guillemets, il y a le Hajj, le pèlerinage, la Umrah c'est le petit pèlerinage, on va dire. Donc la Umrah Rajbiya du mois de Rajab, ils disent comme ça, il n'y a aucune preuve sur cela. Mais ils disent que non, le fait de la faire pendant Rajab, et puis ils essaient d'inventer encore, subhanallah, la Umrah du mois de Rajab. Et ce qui est fait en termes d'actes d'adoration spécifiques à ce mois-là, tels que les prières surérogatoires, le jeûne, alors que ce mois-ci de Rajab n'a aucun avantage sur les autres mois, ni concernant la Umrah, ni le jeûne, ni les prières surérogatoires, ni les éventuels sacrifices, ni rien d'autre que cela. Il dit le Cheikh, « ومن ذلك » الأذكار الصوفية بأنواعها كلها بدع ومحدثات لأنها مخالفة للأذكار المشروعة في سياغها وهيئتها وأوقاتها. Et parmi ces innovations, toutes les sortes de azkar, les rappels, les azkar soufis, sont toutes des innovations et inventions, car elles sont contraires aux rappels légiférés, aux azkars qui sont légiférés, dans leur manière, dans leur formulation, et dans leur temps. Dans leur manière, dans leur formulation, et dans leur temps. وَمِنْ ذَلِكَ تَخْصِيصُ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ بِقِيَامٍ وَيَوْمِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ بِصِيَامٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٍ خَاصٍ بِهِ. Et parmi ces innovations, il y a le fait de spécifier la nuit de la moitié du mois de Sha'ban pour faire des prières nocturnes, étant donné que rien n'a pu être authentifié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la moindre spécificité la concernant. Donc c'est une innovation. وَمِنْ ذَلِكَ الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ وَاتِّخَاذُهَا مَسَاجِدٍ وزيارتها لأجل التبرك بها والتوسل بالموتى وغير ذلك من الأغراض الشركية وزيارة النساء لها مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. Donc et parmi elles, il y a les constructions sur les tombes et les prendre comme mosquées, les visiter afin de rechercher la bénédiction en ces tombes, prendre les morts pour des intermédiaires, et bien d'autres parmi ce genre de buts polythéistes, ainsi que la visite des femmes de ces tombes, alors que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles qui visitent les tombes et ceux qui les prennent comme mosquées ou comme celles, yani en s'asseyant dessus. Donc, lorsqu'on dit que ce qu'a mentionné le cheikh Salah al-Fawzan, anna al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la'ana, il a maudit Zawarat al-Qubur, yani celles qui visitent, les femmes qui visitent les tombes. Il a maudit, et on se souvient dans des cours précédents, on avait vu ce qui caractérise un péché majeur, ça fait partie des péchés majeurs ça. Lorsque c'est mentionné, pour rappel, lorsque c'est mentionné clairement que quiconque fait telle chose a commis un péché majeur, ou bien il y a la menace de l'enfer pour quiconque commet telle et telle chose, d'accord ? Ou un châtiment dans l'enfer pour quiconque commet telle et telle chose, un châtiment donc dans l'au-delà pour quiconque en enfer, quiconque commet tel et tel acte, d'accord ? Ou qu'il reçoit la malédiction d'Allah, qu'il reçoit la malédiction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en disant « La'an Allah » ou par exemple « Man awa muhditha » etc. Lorsqu'on entend « La'an » que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit, eh bien, l'acte qui est maudit fait partie des péchés majeurs pour celui qui le commet. Et notamment là, d'accord, il est interdit aux femmes d'aller visiter les tombes. Ça fait partie des péchés majeurs. Donc on a terminé avec ce point-là. Enfin, pour conclure, Al-Khatima. Wa khitaman naqul inna al-bid'a barid al-kufr. وهي زيادة دين لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم والبدعة شر من المعصية الكبيرة والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها دينا يتقرب به إلى الله فلا يتوب منها. Donc il dit, pour conclure, nous disons que les innovations mènent peu à peu à la mécréance. D'accord ? Inna al-bid'a barid al-kufr. Vous voyez ? C'est comme l'enveloppe qu'on envoie par la poste. Ça achemine vers la mécréance. Petit à petit, ça va y mener. Les innovations mènent peu à peu à la mécréance. Et c'est un rajout dans la religion pour lequel Allah n'a pas légiféré, ni son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a légiféré, et l'innovation est un mal. Est un mal parmi les désobéissances majeures, et le diable en est joyeux, il est content. Il est heureux, le diable. Il est joyeux, plus qu'il ne l'est pour les grandes désobéissances, car celui qui pêche commet le péché tout en sachant que c'est un péché. D'accord ? Et donc, Inch'Allah, il va se repentir. Parce qu'il sait que ce qu'il a fait, c'était mauvais. Et donc, il va revenir, Inch'Allah, repentant vers Allah. Tandis que le Mubtadi', l'innovateur, celui qui va inventer, ramener de sa poche, là, l'innovateur, eh bien, il fait son innovation tout en croyant que cela est une religion. Ça fait partie de la religion. C'est ce qu'il croit, lui. Hein ? Il fait cet acte-là pour se rapprocher d'Allah. Donc, lorsqu'on lui dit « Crains Allah, repens-toi », lui, il ne comprend pas. Parce que lui, il considère ce qu'il fait, c'est bien. Vous voyez pourquoi le shaitan préfère l'innovation au péché majeur ? Parce que c'est pire, l'innovation. L'individu qui commet le péché, il sait qu'il a commis un péché, que c'est haram, que c'est pas bien. Et ça le travaille. Donc, Inch'Allah, il va se repentir. Il sait que la solution, c'est de se repentir, revenir repentant vers Allah. Tandis que le Mubtadi', il n'a même pas ça en tête, parce que lui, il croit que cela fait partie de la religion, et il ne voit aucun mal, et il considère qu'il se rapproche d'Allah avec son innovation, son invention. Donc, il ne s'en repent pas. Il ne s'en repent pas. Walbida' taqdi ala sunan, les innovations mettent fin aux sunan, aux traditions prophétiques. Wa tukarrah ila ashabiha fi'l sunan wa ahl sunnah. Et celui qui commet ces innovations fait que il se met à détester, à vouloir faire des sunan. Et il se met également à détester les gens de la sunna. Wal bid'ah تباعد عن الله l'innovation éloigne d'Allah وتوجب غضبه وعقابه et elles impliquent d'une part les innovations elles éloignent d'Allah et elles impliquent la colère d'Allah et son châtiment. وَتُسَبَّبْ زَيْغِ الْقُلُوبِ وَفَسَادَهَا. Et elles sont la cause de l'égarement des cœurs et de la corruption. مَا يُعَامَلْ بِهِ الْمُبْتَدِعَةِ. Donc, comment se comporter avec l'innovateur? Donc, il dit, il est interdit, تُحْرُمْ زِيَارَةِ الْمُبْتَدِعَةِ. Donc, la visite de l'innovateur est interdite. Rendre visite à un innovateur est interdit. وَمُجَلَسَتُهُ. Ainsi que s'asseoir avec lui. إِلَّا عَلَى وَجْهَةِ نَصِيحَ لَهُ وَالْإِنْكَرْ عَلَيْهِ. Excepté si c'est pour le conseiller et renier et dénigrer ce qu'il fait comme innovation. لِأَنَّ مُخَالَتَتُهُ تُؤْثَرْ عَلَى مُخَالَتِهِ شَرًّا. Car le fait de se mélanger avec l'innovateur influence celui qui se mélange avec lui. D'accord ? En mal. Ça l'influence en mal. وَتُنْشُرْ عَدْوَاهُ إِلَى غَيْرِهِ. Et cela propage le fait que lui, en fait, c'est comme si il risque d'être contaminé par cette innovation et ses choubouhettes. Et donc, cela risque de la transmettre à d'autres. Parce qu'il le voit faire comme ça. C'est l'adhan du Ishala. Je vais, Inch'Allah, faire vite pour terminer. Inch'Allah. Donc, cela, pourquoi ? Donc, il est interdit de rendre visite à l'innovateur, excepté si c'est pour le conseiller et dénigrer ce qu'il fait et renier ses innovations. Pourquoi ? Parce que le fait de se mélanger aux innovateurs, eh bien, ça va faire influencer celui qui se mélange aux innovateurs en mal. Et que ça risque de propager l'innovation sur celui qui traîne avec lui. D'accord ? Et ensuite, l'autre qui va voir qu'un tel fait ceci, donc il va avoir un pressentiment que quelqu'un, c'est quelqu'un de bien et il fait cela, donc il va le suivre dans cela, subhanallah, vous voyez ? وَيَجِبْ التَّحْذِيرْ مِنْهُمْ وَمِنْ شَرِّهِمْ إِذَا لَمْ يُمْكَنَ الْأَخْثَ عَلَى أَيْدِيهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنْ مُزَاوَلَةِ الْبِدَعِ. Si on n'arrive pas à les arrêter, à ce qu'ils commettent leurs innovations, d'accord, et qu'ils mettent fin à leurs innovations, alors il est obligatoire de mettre en garde contre eux et contre leurs maux, contre le mal qu'ils font en pratiquant ces innovations-là. وإلا فإنه يجب على العلماء المسلمين وولاة أمورهم منع البدع والأخذ على أيدي المبتدعة وردعهم عن شرهم لأن خطرهم على الإسلام شديد ثم إنه يجب أن يعلم أن دول الكفر تشجع المبتدعة على نشر بدعهم وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق لأن في ذلك القضاء على الإسلام. Il mentionne le cheikh Hafidhahullah que donc il est tout d'abord interdit de se mélanger, de rendre visite aux innovateurs, donc excepté si c'est pour le conseiller et mettre fin à cela. Mais le conseil, c'est pas le conseil, j'y vais et je reste avec lui et j'écoute, comme il y avait des frères lorsque j'étais au Royaume-Uni. Je donne un exemple, mais quelqu'un, il écoutait de la musique, il essayait d'aller le voir pour essayer de le conseiller qu'il arrête de faire cela, mais il s'avérait que le frère, il s'asseyait avec lui, il s'est mis à écouter avec lui. Donc, subhanallah, yani quelqu'un qui a pas de science, il ne le fait pas, d'accord ? Donc, il est interdit de rendre visite aux innovateurs et de s'asseoir avec eux, excepté dans le cas pour le conseiller, le conseil sincère. Nasiha, c'est la sincérité dans le conseil. D'accord ? Et de renier ce qu'il fait. D'accord ? Lui clarifier que ça, c'est une innovation, c'est haram, c'est pire que les grands péchés. D'accord ? Car le fait de se mélanger avec eux, eh bien, influence celui qui se mélange avec eux en mal. Et cela propage donc ce mal-là à d'autres. Et il est obligatoire de mettre en garde contre eux dans le cas où est-ce qu'il n'est pas possible de les arrêter à ce qu'ils fassent leurs innovations et qu'ils mettent fin à leurs innovations, alors il est obligatoire de mettre en garde contre eux. Sinon, il incombe aux savants des musulmans ainsi qu'aux gouverneurs d'interdire les innovations et de stopper les innovateurs à ce qu'ils commettent ce mal-là, car leur danger sur l'islam est très important. D'accord, on voit bien les innovateurs. Parmi les Khawarij notamment, vous voyez tout le mal qu'ils commettent et les mauvaises répercussions qu'il y a ensuite sur l'islam et les musulmans. Donc, et vous voyez, ça commençait par une bid'a, que eux, ils ne voyaient pas ça, où est le problème, où est le mal, etc. Hein, comme vous voyez dans le hathar de Abdallah bin Mas'oud, ils faisaient le dhikr en groupe. Où est le mal? On ne veut que le bien, etc. Et après, il est rapporté à la fin, que le rapporteur de ce hathar-là mentionne, qu'on les avait vus, qu'ils combattaient, ces individus-là, ils combattaient aux côtés des Khawarij, subhanallah, et ils nous combattaient, subhanallah. Vous voyez comment l'innovation mène aux armes. D'accord? Donc c'est pour cela qu'il dit Cheikh Salah Al-Fawzan, donc qu'il incombe donc aux savants des musulmans, aux gouverneurs des musulmans d'interdire les innovations et de stopper les innovateurs à commettre ces maux, car leur danger sur l'islam est très important. Ensuite, il est obligatoire de savoir. Il est obligatoire de savoir que les pays mécréants encouragent les innovateurs à ce qu'ils propagent leurs innovations et ils les aident dans cela par tous les moyens. Car en faisant cela, c'est un moyen pour essayer de mettre fin à l'islam et de donner une mauvaise image de l'islam. Et sur ce point-là, mais ça, c'est totalement vrai. On n'a qu'à voir. Jamais arrêter d'établir avec tous les problèmes qu'ils font, etc. Et les gens, ils circulent partout sans aucun problème avec leur petite carte de tablier et puis leur contact avec les flics, etc. etc. Et ce sont des individus, subhanallah, j'ai toujours dit que Jamaat al-Tablir est un terreau fertile au terrorisme. Ce sont des johel, et le jahl, l'ignorance, c'est un terreau fertile au terrorisme. Car ce sont des gens qui ne comprennent pas leur religion, qui ont des idées de Khawarij, pour beaucoup d'entre eux, qui parlent sur les gouverneurs, etc., etc., donc, des pays musulmans, donc, et vous voyez, même avec les terroristes et tout cela, il ne faut pas être endormi ou quoi que ce soit, hein. Au contraire, ça les arrange, les pays mécréants, de voir qu'il y a des individus qui s'affilient à l'islam et qui commettent ces atrocités et ce terrorisme, etc. Eux, ça les arrange parce que ça rend une mauvaise image de l'islam et eux, ils combattent l'islam. Donc, au contraire, ça les arrange d'avoir ce genre d'individus. Donc, ils les financent s'il le faut, subhanallah. Ils les encouragent s'il le faut. Vous voyez, parce qu'il y a des mosquées trawerj et ils les laissent tranquilles. Mais les mosquées des gens de la sunna, alors là, faut les fermer, hein, parce que de toute façon, la secte des frères musulmans qui sont alliés avec tous les trawerj et tous les innovateurs, donc ils s'unissent, hein. Sur cela, pour combattre les gens de la sunna, subhanallah. Et donc le Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah, conclut par cette invocation. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous demandons à Allah, le Très-Haut, qu'il donne la victoire à sa religion, qu'il élève sa parole, qu'il humilie ses ennemis, et que les éloges d'Allah et son salut soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Barakallahu fikum, nous avons enfin terminé cette série de cours sur les innovations, et prochainement vous aurez également la version manuscrite de cette traduction, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.